Vendredi 31 mai 2013, vous écoutez La vie en BD. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Dernière émission d'ailleurs de la saison 2012-2013, on vend une pause estivale qui sera certes bien méritée et avant également de revenir en onde dès cet automne parce qu'évidemment on a envie de poursuivre avec vous et de continuer comme ça à parler, à discuter radiophoniquement du 9e art et une pause estivale, en fait je le mentionne d'entrée de jeu, je le rementionnerai également en cours de route, mais qui sera quand même active pour moi dans la mesure où je continuerai à écrire de manière peut-être un peu plus régulière, qui sait, sur le blog voir.ca/Raymond-Poirier, donc le blog de La vie en BD, du moins de l'animateur plutôt que de l'émission. Et comme dernière lancée, on porte plusieurs regards évidemment sur des sorties récentes, également sur des événements à venir, parce qu'il y a l'été aussi qui sera quand même bien rempli, et notamment via des expositions, celle de Pierre Girard, alias Pierre Pichier, qui est du côté de l'établi à compter du début du mois de juin, avec une exposition qui s'appelle Ultra Strong Fort, donc qui mêle illustration et photographie. Alors on en parle en fin d'émission. Également sortie récente, eh bien, celle de Forêt et Bûcheron. On porte un regard sur la nouvelle L'Arbre à Murphy. C'est de Richard Valeran. On lui a parlé notamment pour l'atelier dans lequel il collabore, celui de la Chopabule, où il travaille. Mais donc, qu'en est-il de ses productions? Eh bien, c'est sa première publication en tant que BDiste. Alors, on creuse ça en cours de route. Également, on ira lorgner du côté du Festival BD de Montréal avec une rencontre téléphonique en compagnie du scénariste Ami Vaillancourt. Question de parler, de porter un regard sur deux volumes qu'il nous a offert coup sur coup un peu avant le Festival de la BD de Québec en avril dernier, donc Kissinger et nous et Charlebois et Lostit Show, donc deux BD qui sont ancrés dans des contextes historiques bien différents mais avec quand même quelques parallèles. On s'amusera à les faire en sa compagnie. Alors c'est le menu pour aujourd'hui, ça et plus évidemment. Sinon, en termes de l'actualité BD, quelques éléments qui méritent largement d'être soulignés. D'abord, des bonnes nouvelles, des adaptations au cinéma qui se préparent dans la sphère BD-esque, notamment au Québec, les Nombris qui s'exposeront peut-être deux fois plutôt qu'une au grand écran. Alors, en effet, la bande dessinée humoristique créée par Delaf et Dubuc est en cours d'adaptation pour deux longs-métrages. D'un côté, il y a François Havard, auteur, entre autres, de la série Les Bougons, qui scénarise un film d'animation inspiré par ce trio infernal, tandis que de l'autre, Martin Petit, qui est l'auteur du succès Starbuck, qui lui planche sur une comédie avec des acteurs qui serait basée sur le contenu des quatre premiers tomes de la série. Alors ça, c'est Nouvelle Cinéma Québec. Sinon, Nouvelle Cinéma International, eh bien, vous avez donc Nicolas Winding Refn, qui a réalisé Bronson et Drive, qui travaillerait, semble-t-il, sur une adaptation cinématographique de L'Incal, le chef-d'œuvre de science-fiction signé Moebius et Alejandro Jodorowsky. Alors voilà pour les bonnes nouvelles. Sinon, en matière de mauvaises nouvelles ou nouvelles plus tristes, eh bien, on mentionne que le dessinateur-scénariste Fred Funken est décédé la semaine dernière à l'âge de 91 ans. Il était parmi les pionniers, évidemment, de ce magazine, parmi les premiers à avoir publié, notamment les aventures de Bob Hunter, L'Éclair, Belles histoires de l'oncle Paul chez Spirou. Il a travaillé également, notamment, avec son épouse sur les aventures médiévales du Chevalier Blanc. Alors voilà pour ces clins d'œil. En musique, cette semaine, eh bien, c'est la formation Fountainhead qu'on aura l'occasion d'écouter et on se lance immédiatement avec un premier extrait, Road to Contention. Thank you. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. On vous invite également à nous suivre sur Facebook, facebook.com La Vie en BD, tout simplement. Et maintenant, on se transporte vers Montréal en direct de l'espace du Parc La Fontaine, en fait, de l'espace La Fontaine, évidemment. Donc, c'est le Festival BD de Montréal qui bat son plein là-bas. Et on interrompt une séance de dédicace pour discuter un brin avec l'auteur et scénariste donc de Kissinger et nous et de Charlebois et Lost It Gang, deux BD qui nous sont arrivés chez Glénat au fil des derniers mois. Ami Vaillancourt, bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, en fait, deux récits, deux univers bien distincts, mais qui nous sont arrivés littéralement coup sur coup. Curiosité, est-ce que c'était planifié justement d'arriver comme ça avec deux BD en l'espace d'une semaine ou deux? Non, pas du tout. En fait, c'est un hasard, un heureux hasard, à vrai dire, parce que, pour être honnête, ça a été bénéfique là, pour nous, en fait, et pour les BD, pour les livres. Donc, un a amené le spotlight sur l'autre, là, si je peux dire. Oui, et en même temps, c'est deux univers, deux albums qui sont quand même assez différents, dans lesquels peut-être on sent quand même l'idée justement d'ancrer un récit dans des périodes phares de l'histoire internationale et de l'histoire locale, avec une idée de recherche de mémoire, peut-être d'identité à travers ça. Tout à fait. En fait, c'est deux mots très pertinents, mémoire et identité. C'est des thèmes qui, moi, me sont chers. En fait, je digresse sur ces thèmes-là. Peu importe le ton, ça reste tout le temps le moteur qui m'amène à développer ces récits-là. Donc, d'un côté, il y a l'histoire du coup d'État au Chili, qui est très proche de ma vie personnelle, puisque c'est ma mère qui a vécu le coup d'État, qui a été une citoyenne non désirable et qui a dû fuir la dictature pour éviter de mourir, en fait, hein. Donc, ça laisse certaines traces de grandir avec une femme qui a vécu un traumatisme comme celui-là. Et d'un autre côté, bien, Charlebois, en fait, c'est plus le Québec de mon père. Donc, j'ai grandi en étant un mélomane plutôt averti. J'ai été disquaire dans une autre vie pendant 10 ans, en fait. Et puis, dès mon plus jeune âge, je suis tombé dans le disque vinyle, en fait. Mm-hmm. Comme un peu comme Obélix, la potion magique. Moi, c'est le vinyle. Et puis, donc, je courais les magasins et les disques rares. Et j'ai commencé à écouter furieusement Charlebois et, en fait, également beaucoup Yvon Deschamps. C'était surtout ces deux-là que je suivais et puis qui m'intéressait. Louis Forestier et Mouffe, c'est plus venu par la bande. Mais c'est ce Québec-là qui m'inspirait, celui de mon père, celui de l'ouverture, en fait. La voix, tu sais, qui a enterré les autres. Oui. Quand Charlebois a plugué sa guitare électrique, ben il a soufflé tout le monde. Puis ça parlait pour moi, malgré que c'était pas ma génération, malgré que c'est un personnage que je connaissais très peu, je le connaissais à travers sa musique et c'est tout. Et puis je trouvais ça bien comme ça, en fait. J'avais pas le désir de savoir qui il était réellement. Et justement, en fait, dans Charlebois et Lost It Gang, l'idée n'est pas non plus de présenter ces gens-là tels qu'ils étaient réellement, mais c'est vraiment dans le contexte d'une ambiance fantasmée qui nous amène presque à un hommage décalé, dans le fond, de ces gens-là et de l'impact qu'ils ont pu avoir par après aussi sur la société d'ici. Ben totalement. Moi, dans mon entendement très personnel, je considère que le Stitch Show, c'est un événement aussi fondateur au Québec que les meutes du Forum en 55. Donc, en 55, c'était le cri des Québécois francophones qui indignés, qui allaient dans la rue et puis disaient « Nous sommes là, on existe ». Et Charlebois et les membres de Stitch Show, Louis Forestier, Yvon Deschamps, Mouffe, ben, c'était le raffinement de cette voix-là. Donc, pour moi, ça a été un événement fondateur et c'est pas pour rien donc, que j'ai décidé d'utiliser ces personnages-là pour parler d'un éveil. Exactement, parce que c'est un peu ça l'histoire, dans le fond, c'est que vous essayez d'imaginer, dans le fond, une situation impossible peut-être, qui aurait été l'éveil de la conscience qui les aurait menés éventuellement à faire ça, donc dans le contexte des vacances d'été, de la jeunesse, de l'enfance exactement, et de la naïveté de l'enfance. Exactement, l'adolescence, l'éveil sexuel, oui. L'éveil de la conscience, c'était de tout ça que j'avais envie de parler, puis en le faisant à travers une histoire adressée à tous, peu importe qu'on connaisse ou non Robert Charlebois. Mmh. Exactement, donc d'aller en fait d'un côté, de faire les clins d'œil pour ceux qui maîtrisent un peu, qui connaissent, qui ont grandi peut-être avec cette œuvre-là, mais pour ceux qui s'y connaissent moins, ben que ça puisse quand même être un récit qui se tienne, qui une histoire, dans le fond, qui se tient hors de ces références-là. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça s'inscrit dans un projet qui, lui, s'appelle Les Histoires Fabulées. Donc, moi, j'ai envie de rendre hommage aux artistes d'ici qui, en quelque sorte, m'ont construit personnellement. Donc, pour chaque forme d'art, aller parler d'un artiste qui a marqué sa profession, son média, et puis faire un récit déjanté autour de ça, que ce soit dans le passé, dans un futur, sur notre planète, on s'en fout. et comment les sujets reçoivent ça, Ami Vaillancourt? Comment, bon, Charlebois, Mouffe, Louise Forestier, Yvon Deschamps ont reçu l'idée de justement cette enfance-là que vous leur inventez? Ben, en fait, je peux plus parler de Louise Forestier et de Mouffe, qui, elles, ont été les plus dynamiques, si je peux dire, dans le parcours qui a amené à mettre ce livre-là au monde. En fait, elles ont été très aidantes. Louise Forestier m'a beaucoup aidé, même au niveau du vocabulaire, parce que j'étais pas là en 1960. Hein. Mmh. Moi, j'ai 37 ans. Donc, j'avais écrit des trucs, et elle me disait, ben, on disait pas ça de même à l'époque. Mmh. T'essayes, ben, tu l'as pas. Donc, elles ont été vraiment très enthousiastes parce que, en fait, on tentait de raconter une histoire sans tenter de raconter le passé. Donc, pour elles, ça, là, c'était vraiment le fun parce que elles se sont faites, ben, les quatre se sont faites beaucoup solliciter et aborder pour toutes sortes de projets qu'ils ont tous refusés. Mm-hmm. Et puis, celui-là, ils l'ont accepté en disant, ah, lui, il va dans notre esprit, tu sais, dans l'esprit que c'est, dans lequel on était en 68 avec le Street Show. C'est un projet déjanté. Donc, ça les a beaucoup séduits. Et j'ai envie de faire le pont justement avec la notion de l'esprit, dans la mesure où avec Charlebois et le Street Show, vous le dites, on essaie de recréer un peu l'esprit d'une époque. C'est un peu la même chose aussi dans une toute autre époque et dans un tout autre contexte avec Kissinger et nous. Mais dans ce cas-ci, vous le mentionniez au départ, donc on est dans un coup d'État donc au Chili les dernières années voilà. Et dans le fond, on se retrouve dans une ambiance et dans un esprit qui est fébrile, qui est difficile, qui est très particulier et qu'on doit ressentir aussi à la lecture des pages de Kissinger et nous. Oui, c'est vraiment un récit qui est, en tout cas, qui m'est beaucoup plus personnel. Ce projet-là, c'est vraiment un projet de cœur. En fait, je traîne depuis 1998. C'est très éclaté parce qu'il y a une multitude de personnages et puis c'est comment en fait la politique étrangère américaine a eu un impact sur la vie des gens, que ce soit des petites gens ou que ce soit des gens politisés, des gens impliqués qui croyaient en une idée et comment ces idées-là en fait ont été sabordées et saboté par une politique étrangère, en fait, menée par par la CIA, Kissinger, qui était à l'époque secrétaire d'État de Nixon, et de Nixon en tête. Donc, ça a été une expérience très difficile pour les Chiliens qui l'ont vécu, qui ont également vécu de traumatismes de la torture, du viol, de l'emprisonnement. Et puis un peu, dans le fond, à travers l'histoire de Clara Anastasia Rosa Mina, c'est un peu l'histoire de toutes les Chiliennes aussi que vous représentez à travers ces quatre femmes-là. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est beaucoup également le milieu de ma mère. Donc, elle, c'était une femme qui côtoyait les gens du MIR, donc du mouvement de la gauche chilienne, qui... la plupart de ses amis de l'époque ont disparu, sont décédés ou ont vécu de graves traumatismes, comme je disais plus tôt, et qui ont dû fuir. Sinon, c'est ceux et celles qui ont survécu, c'est parce qu'ils ont fui. Ils ont immigré, que ce soit en Autriche, en France, ici au Québec ou ailleurs. Et c'est pas des destinations qu'ils ont choisies. C'est la première porte qui s'ouvre, ben ils s'y engouffrent. Mais ça, faut partir, point. Là. L'idée, c'est de partir. C'est pas où on va, c'est de s'en aller. Exactement. Donc, ma mère, elle, ça a donné qu'elle s'est retrouvée devant l'ambassade canadienne parce qu'elle a rencontré par hasard un curé québécois qui était sur place et puis qui a dit, bon, ben regarde, toi, t'es dans la merde. je vais t'amener à l'ambassade et à partir de là, c'est entre tes mains, mais au moins, je vais te montrer c'est où. Donc, elle s'est pointée là et puis, c'est tout. Elle avait ce qu'elle avait sur le dos et 20 $ dans les poches. Donc, ça, c'est le portrait qui est assez général là, pour tous les exilés. Oui, puis en même temps, c'est j'ai l'impression de parler de l'idée de témoignage, l'idée de témoigner d'un passé, d'un parcours, d'une histoire. Et en même temps, j'ai l'impression que ce témoignage-là, nécessairement, bon, à travers ce devoir de mémoire-là, il ne peut que susciter l'indignation par rapport à ce qui s'était passé à l'époque, par rapport à ce que ces femmes-là, face à ce que votre mère a vécu là-bas. Oui, en fait... Ma mère, elle, c'est une grande indignée. Puis moi, elle me l'a transféré, inoculé, si je peux dire. Donc c'est comme ça que le récit a mûri en moi. J'avais envie de parler aussi beaucoup des femmes. Comment les femmes ont vécu ça? Parce qu'on parle d'un état de guerre, là, en fait. Là, puis à chaque fois qu'on aborde la guerre, que ce soit civile ou que ce soit une guerre entre nations, c'est tout le temps du point de vue des hommes. Puis la part faite aux femmes est tout le temps dans la marge. Et moi, je voulais faire un récit qui est à l'inverse. J'étais désintéressé du pouvoir des hommes pour me concentrer sur celui des femmes, comment les femmes traversent ces périodes-là qui sont très, très troubles. Donc, Kissinger et nous, c'est une BD qui a été écrite, en fait, pour les femmes et qui leur rend hommage. Et les deux albums, autant Kissinger et nous que Charlebois et le Steel Gang, vous les avez réalisés avec Bruno Rouillard au dessin. Est-ce qu'on peut parler d'une écriture à quatre mains où c'était vraiment campé, dans le fond, vos scénarios et qu'ensuite vous lui avez laissé le soin un peu de les mettre en scène et d'aller capter justement l'esprit et la nature des époques et des périodes et des ambiances que vous aviez cherché à mettre en évidence dans vos scénarios? Bruno, c'est vraiment, je lui ai déposé des scénarios. Et puis, lui, il a embarqué dans les projets. Pour Charlebois, il a mis sa patte là sur je dirais pas le scénario, parce que les scènes sont toutes les mêmes, mais il a raffiné au niveau des gags, au niveau d'humour. Et puis Bruno, faut dire aussi que il a exigé de s'occuper de la réalisation. D'habitude, le scénariste va remettre le découpage technique des pages, mais également avec des termes techniques au niveau de l'échelle de plan et l'angle de caméra. Et ça, Bruno voulait pas. Donc, lui, il voulait s'occuper de la réalisation. Et à partir de là, il a pu amener quelque chose de très personnel. Puis, j'ai trouvé ça vraiment plaisant de travailler de cette façon-là parce que il s'appropriait le récit. Donc, et puis moi, c'est ce que je voulais comme collaboration. Et on en découvre donc le fruit, évidemment, donc en librairie, Kissinger et nous, et Charlebois et Lost Seed Gang, donc les deux albums qui sont disponibles chez Glénat. Eh bien, ami Vaillancourt, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, Raymond. Et on vous laisse retourner aux dédicaces, donc en plein Festival BD de Montréal. Et d'ailleurs, si des gens passent par là, passent par la métropole ce week-end, ben, plusieurs occasions de vous rencontrer. Voilà. Merci. Voilà. Bien, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Alors voilà, donc, ami Vaillancourt, scénariste donc de Kissinger et nous, et Charlebois et Lost It Gang. Et voilà, autre extrait de la formation Fountainhead, Xenon Odyssey. Toujours sur les ondes du 89.1, vous écoutez La Vie en BD. Petit commentaire rapide, tiens, puisque bon, c'est la dernière émission de l'année, alors on se lance dans quelques éléments aussi de rattrapage, peut-être côté lecture. Notamment, je voulais faire un petit clin d'œil au troisième tome de la série Aven. C'est de Kanji et de Jacques Lamontagne. Donc, dessin de Kanji, scénario de Jacques Lamontagne. Donc, dernier opus de cette série qui essentiellement nous invitait à faire presque un road movie, j'avais envie de dire ça. Dans un contexte évidemment fantastique, dans un contexte aussi d'une BD dessinée peut-être à un public d'adolescents principalement, donc un troisième tome qui démarre un peu comme le précédent, donc avec un exploit magique qui met en évidence les qualités bien particulières de la mascotte entre guillemets de cet univers, le Jenko, et un peu aussi dans la même structure que chacun des albums qui est mené donc par un personnage principal mais qui est accompagné aussi par d'autres et dans lequel on découvre à chaque album des éléments particulier de chacun de ces personnages-là. Donc, une structure qui est similaire dans les trois tomes, mais qui ne donne pas l'impression non plus de sombrer dans la répétition. Donc, c'est la structure, c'est l'esprit de la série. On l'accepte, on plonge, on apprécie. Et on apprécie surtout, dans le fond, le chemin, le sentier qu'on nous propose de rencontre en rencontre, de péripétie en péripétie. Et surtout, l'imaginaire, justement, qu'on nous met de l'avant, d'un côté, par le visuel, par les créatures qu'on imagine, qu'on dessine, de l'autre, par le récit, la nature de ces rencontres-là. Donc, pour éviter aussi, au bout du compte, de tomber dans une certaine redite qui ne serait pas nécessairement sympathique. Donc, ça donne un album qui est honnête, sans nécessairement être un incontournable du genre. Je crois qu'on pourrait s'entendre assez facilement pour dire que La Montagne nous a offert d'autres matériels peut-être un peu plus audacieux à un certain degré. On pense, par exemple, à Van Helsing contre Jack l'Éventreur, dont on espère fortement que le deuxième tome arrivera dans des délais raisonnables, ou son travail au dessin sur d'autres séries. Mais donc, il y a là quand même une belle maîtrise justement du scénario et de la nature de la bête, entre guillemets. Ce qu'on reprochera peut-être à l'opus, c'est surtout une fin, je dirais, un peu alambiquée dans la mesure où on termine la série en deux planches, essentiellement, un peu comme si on avait espéré un quatrième tome, mais finalement, pour diverses raisons, il n'était pas arrivé, il n'avait pas eu lieu. Et donc, ce qui fait que ça devient peut-être un brin alambiqué, malheureusement. Donc, la destination n'est pas nécessairement terrible, mais le chemin pour s'y rendre au fil des trois tomes demeure quand même agréable. Autre très, très rapide clin d'œil, je voulais absolument le mentionner, Ville et Misérable, la nouvelle BD de Samuel Quentin qui est arrivée semaine dernière là, du côté de Pow Pow. Si vous avez apprécié l'esprit déjanté qui était présent dans Phobie des moments seuls, eh bien, vous allez retrouver un peu cet élément-là. Donc, personnage un peu naïf, limite enfantin, mais avec des extrêmes au niveau de sentiments, émotions et autres. Un côté aussi quand même de réflexion par rapport à la nature des relations humaines, la nature des relations sexuelles également. Donc, il y a quand même un beau petit jeu aussi là-dedans, à travers, en fait, une BD qui, sans nécessairement nous raconter véritablement une histoire, nous dresse plutôt un portrait d'un personnage avec ses paradoxes, avec ses particularités, avec son originalité aussi. Donc, on l'apprécie pour le portrait du personnage offert. On se demande qu'est-ce qui adviendra de ce personnage-là. On reprochera peut-être le manque, justement, d'événements au-delà, justement, du portrait en lui-même, mais reste que ça se lit quand même fort agréablement. Alors, on prend une courte pause à venir, Richard Valeran et Pierre Girard. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 2 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui seront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Pour de plus amples informations, visitez le cld2quebec.qc.ca. Après 2 années et demie de tournée, parcouru plus de 150 000 km et offert près de 200 concerts, la formation Isabeau et les chercheurs d'or fait sa grande rentrée à Québec. Je ne peux plus te chasser de mon... Le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain, le groupe offrira le dernier concert de sa tournée à l'endroit même où elle a commencé. Isabeau et les chercheurs d'or, de retour à Québec, une soirée inoubliable avec plusieurs artistes invités. C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain. Une présentation de CKRL. Les vendredis soirs, 22h à minuit, repoussez vos limites de référence en matière de volume sonore. Pour les radicalisés du métal, soudez-vous à Olivier Bercelli et ses sélections amplifiées à démentiellement vôtres. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD et on porte maintenant un regard sur un recueil du côté de Glénat Québec, un recueil qui s'appelle Forêts et bûcherons. 6 histoires autour de la thématique de la forêt, autour de la thématique des bûcherons. Il y a notamment Iris Boudreau, Antoine Joie, Franck Castel, Aurélien Galvan, Isabelle Mélenchon, Philippe Girard qui offrent donc des courtes histoires dans ce recueil et également Richard Valeran, auteur de Québec, qui offre une nouvelle qui s'appelle L'arbre à Murphy. Il est avec nous pour nous parler justement de cette nouvelle. Richard Valeran, bonjour. Bonjour. Et j'ai l'impression, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre pour parler justement de ton travail. Oui. On te croisait à quelques occasions autour justement de tes collaborations via la Shop à Bulles, ton atelier. Et donc, c'est dans cet atelier que tu t'es lancé vers cette première nouvelle-là. Et c'est ta première nouvelle publiée, je crois, au niveau oui. BD. Oui, oui, au niveau de la BD, première nouvelle. C'est ma première nouvelle qui est basée sur mon scénario aussi. Donc, oui, c'est une super belle expérience là, pour se lancer. et justement, ben, en fait, Glénat, à chaque année, qui lance un appel avec une thématique, c'était Forêt et Bûcheron, on l'a dit. Qu'est-ce qui t'a attiré un peu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer peut-être d'abord dans ce concours-là? Oui, mais écoute, quand j'ai vu le thème sortir, je me suis assis, j'ai commencé à gribouiller des choses, puis tout de suite, il y a des choses qui sont sorties, parce qu'évidemment, c'est plein de références pour moi, parce que évidemment mon père étudie en foresterie, mon beau-père est en foresterie, mon grand-père était cuisinier dans un truc de bûcheron. Donc, j'avais plein d'anecdotes là, qu'on me racontait depuis que j'étais tout petit. Puis j'ai comme essayé de prendre tout ça puis de l'intégrer dans une histoire. Là. Donc, je me suis vraiment laissé aller parce que moi, c'est sûr que je suis un adepte du fantastique. Donc, il fallait qu'il se passe de quoi hors du commun. Donc, c'est un peu une légende que j'ai inventée avec toutes sortes d'influences. Le côté Murphy, c'est évidemment là, le côté irlandais. Qui est du côté de la mère de mes enfants. Donc plein de choses comme ça que j'ai intégrées dans une histoire. Et justement, on se retrouve dans l'ambiance d'un camp de bûcherons avec essentiellement, au bout du compte, des bûcherons qui se racontent une histoire, qui se racontent des légendes. Donc c'est un peu l'esprit convivial que tu retenais un peu de ce métier-là, que tu voulais mettre de l'avant. Ah, ben aussi, c'est que, étant donné que c'est quelque chose de fantastique, je me suis dit, j'avais envie d'inventer une légende parce que c'est pour moi, c'est à ça que je pense quand je pense aux bûcherons. Je pense aux histoires qui se racontaient. Puis, mon beau-père qui a travaillé toute sa vie dans la forêt, il y a tellement d'anecdotes. C'est vraiment quelqu'un qui a tout le temps des choses à raconter en lien avec ça. Donc, pour moi, c'est sûr qu'un récit là, de bûcherons puis de forêt, ça devait commencer avec des gens qui se racontent une histoire. Donc autour avec la personne qui lead un peu l'histoire, les autres qui reçoivent l'ambiance, puis avec aussi beaucoup dans le choix que tu as fait quant à la légende que tu as inventée, la colère qui devient un peu le moteur scénaristique, le sentiment négatif au bout du compte qui amène les conséquences négatives. Ouais, je trouve ça le fun que tu mentionnes ça parce que a priori j'avais pas pensé. Parler de la colère, mais c'est vraiment ça qui est ressorti au bout du compte. Après ça, quand je relisais mon histoire, je me dis, c'est vraiment une histoire sur la colère, puis comment ça peut finir par se retourner contre soi. Là. Donc, puis aussi, ben, je n'avais pas vraiment le goût de faire une histoire qui est non plus là, écologique, mais veux pas, quand on parle d'arbres, de bûcherons qui coupent des arbres, ça finit tout le temps par toucher une corde, puis donc c'est ça. J'ai introduit aussi l'aspect amérindien parce que c'était une réalité. Puis étrangement, dans toutes les histoires que j'entendais, on me parlait pas beaucoup de ça, de cette réalité-là, de la présence des Amérindiens. Et je me disais, évidemment, leur folklore devait finir par toucher celui des bûcherons. Oui, parce qu'au bout du compte, en fait, quand on lit l'histoire, la première idée qu'on a à l'esprit, c'est « Ah, Richard Valeyrand a repris une légende existante. » Puis après ça, on commence à creuser, on fouille un peu. « Ah, mais non, finalement, c'est pas une histoire qui existe du tout. » Donc, il y a l'idée, j'imagine, de créer un mythe probable. Oui, j'avais envie de... Parce que je pense que les mythes, ça vient vraiment beaucoup de l'imaginaire. Puis de partir à zéro, je trouve ça intéressant de dire ben, « je vais raconter une histoire comme si c'était une histoire qu'on se racontait depuis des années, depuis toujours. » Mais c'est quelque chose qui vient un peu de mon imaginaire, mais qui touche un peu l'imaginaire collectif, peut-être. Puis j'imagine aussi en termes de structure, quand on arrive à scénariser un récit comme ça, le fait de se retrouver avec une structure justement où il y a un conteur, où c'est une histoire qui est dirigée un peu comme ça, bien, ça permet de bien exploiter les possibilités scénaristiques pour bien rentabiliser, dans le fond, les six planches. Oui, aussi, c'est ça. C'est une histoire très courte. Là. Donc, d'ailleurs, a priori, quand j'avais mon idée, je me disais, ça va vraiment être un défi de rentrer cette histoire-là puis faire que la boucle soit bouclée au bout de ces six pages-là. Mais oui, c'est un défi. J'espère que ça fonctionne quand même. L'idée, c'est que ça soit compréhensible. Là. Puis évidemment, tu sais, au niveau du découpage, d'être le plus efficace possible dans la façon de raconter l'histoire. Est-ce que ça a beaucoup passé par un processus de réduction en route vers la version finale? Est-ce que ça a été quelque chose de complexe ou au contraire, tu as réussi rapidement à synthétiser tout ça? Oui, je pense que ça s'est synthétisé quand même assez rapidement. Je me suis vraiment laissé porter par l'histoire en me disant, bon, parce qu'évidemment, au début, c'est des gens qui se racontent une histoire, mais cette histoire-là finit par toucher les personnes qui se la racontent. Donc, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au début, c'est un conte, mais tout le monde est vraiment touché. Puis certaines personnes de façon plus dramatique que d'autres là, par ce conte-là. Et à l'intérieur de ça, l'avantage, on peut dire, quand on raconte une nouvelle en BD, c'est qu'on a les ambiances, les lieux, les espaces. Et au cœur de ta nouvelle, il y a cet arbre-là qui est en apparence immobile, qui domine un peu. Donc, j'imagine qu'il fallait, au niveau recherche, il a fallu essayer d'imaginer quelque chose d'assez monumental pour frapper un peu l'imaginaire du lecteur avec ça. Ouais, ben évidemment. Puis moi, j'ai toujours aimé les arbres. Là, donc, une de mes premières œuvres en dessin animé, c'était l'histoire d'un arbre puis que j'avais fait à l'époque avec l'ONF. Puis ça a toujours resté, je pense, ça c'est quelque chose qui vient me chercher. Ben, j'aime dessiner des arbres, là. Je trouve ça beau. Puis j'aime aussi le côté un peu anthropomorphe que les arbres ont, la personnalité qu'ils ont. Puis au bout du compte, ben, c'était de faire une histoire où le personnage central, c'est l'arbre. Donc, c'est sa présence. Sa fond, présence, c'est... puis dans le, il est là. Puis bon, on se raconte qu'est-ce qu'il peut faire, puis on y croit pas vraiment. Les gens se le disent, bon, c'est juste une légende, mais finalement, l'arbre, ben, je veux pas voler le punch, mais bon, c'est une histoire de, c'est quand même pas une histoire qui est très longue, sauf que, ben, c'est ça, il y a vraiment comme un lien entre, une espèce de symbiose entre l'homme puis l'arbre. Et tu le mentionnais justement, c'est un sujet du moins tout moins graphique que tu as déjà exploré un peu en animation. Comment ça s'est passé un peu? Parce que jusqu'à récemment, ben, tu travaillais justement dans le domaine de l'animation. Tu as décidé de faire le saut en BD, en illustration. On en arrive donc avec une première publication dans ce recueil-là. Donc, comment le travail est différent d'un médium à l'autre? Ouais, c'est très différent. Je te dirais que... Écoute, il y a plusieurs raisons là, qui m'ont poussé à vouloir faire de la BD. Donc, c'est une opportunité là, de pouvoir travailler avec des gens que j'apprécie, qui font de la BD depuis longtemps, puis d'apprendre avec ces gens-là. Évidemment, ça m'a toujours... Tu sais, quand tu es dans le domaine des arts graphiques, c'est quelque chose qui t'intéresse dans la mesure où tu veux raconter des histoires. Ben évidemment, c'est le côté de pouvoir travailler léger. En animation, souvent, tu dois travailler avec des grosses équipes. Bon, l'histoire que je racontais tout à l'heure, c'est un film que j'ai fait tout seul, là, donc avec un musicien, puis un peu d'aide, là, mais vraiment, faire un film d'animation, tout ça, c'est vraiment très long. Et sinon, après ça, j'ai travaillé sur des productions où on était des fois 100, 200 personnes à travailler sur un film. Donc, c'est sûr que ça fait quelque chose qui est très lourd là, tu sais, en termes de production. Puis, ce qui est fantastique avec une bande dessinée, c'est que tu as quand même la possibilité de faire tout ce que tu veux. Ben, je pense, c'est peut-être une évidence là, mais c'est ça qui est intéressant pour moi. Puis, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Mais je sais pas si je répondais à ta question. Plus de liberté, donc dans l'exploration qu'on peut se donner. Puis dans l'organisation du travail, parce que on a souvent dans l'idée qu'une bonne BD, ça peut servir de storyboard ou qu'un bon storyboard, oui, mais c'est oui, pas le cas. Oui, c'est, non, c'est absolument, deux langages, absolument, c'est ça, c'est pour ça. Oui, ça, oui, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est très différent en fait. Puis a priori, tu dis, bon, dans le fond, c'est un storyboard, mais ben, tu rajoutes des bulles, puis les cases sont un peu différentes. Mais non, c'est vraiment tout un langage à apprendre, tu sais, puis... c'est difficile. C'est difficile. Il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement de choses. Il y a des règles que tu te rends compte que tu dois connaître, puis que tu apprends au fur et à mesure. Là. Donc oui, c'est vraiment un art à part entière. Puis même, c'est sûr que il y a quand même des éléments vraiment intéressants là avec l'animation, comme au niveau de l'expression des personnages, des choses que je trouve intéressantes à utiliser là en BD, mais aussi là au niveau de l'ordre des planches, tout ça. De mise en scène, dans le fond, ouais. De la planche, de la page, d'une case à l'autre, la grosseur des cases. Et même entre les pages, oui. Tu sais, de penser à, bon, ben j'ai deux pages l'une à côté de l'autre, de varier les plans, les bulles aussi, comment utiliser les bulles. Puis c'est quelque chose, au départ, souvent, je mettais les bulles par après. Puis c'est quelque chose que je réalisais que souvent en comic book, ça paraît qu'ils mettent les bulles après. Souvent, ils vont mettre les bulles après, ils font les dessins à part. Mais en BD, surtout la BD européenne, on sent qu'ils utilisent beaucoup les bulles dans le langage. Ça, je trouve ça intéressant, dans la fluidité de la lecture, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à pousser. Puis tu parles un peu d'ambiance aussi. La BD, l'arbre à Murphy, donc tu as choisi de la placer d'un côté dans un hiver à la québécoise, de l'autre dans la nuit aussi à la faveur d'un feu de camp. Donc, il y a un jeu, j'imagine, avec des textures, avec exploiter un peu le noir, exploiter le blanc. C'est ça. Puis même, j'aurais peut-être pu la faire en noir et blanc. Je me suis beaucoup amusé avec les couleurs. La couleur s'est comme imposée assez rapidement. Même si j'ai essayé de... Puis je pense souvent, le problème avec la couleur, c'est que tu veux trop en mettre. Mais c'est d'être capable de se contrôler, là, tu sais, puis de jouer avec vraiment quelques tonalités, mais je me suis fait plaisir parce que j'ai l'hiver, là-dedans j'ai l'automne, la nuit, donc c'est vraiment des ambiances le fun. Puis la nuit, on est pratiquement dans le monochrome, dans la mesure où on est sur un fond bon, noir bleuté, avec simplement dans le fond la lueur du feu qui éclaire tes bûcherons, et tes bûcherons qui sont pratiquement jaunes un peu, donc l'idée c'est d'essayer de voir un peu le type d'éclairage qu'on aurait eu dans ce contexte-là. Oui, beaucoup jouer avec la lumière, puis... beaucoup. Et pourtant, c'est particulier parce que quand tu fais une nouvelle, mettons que tu as juste 6 pages, c'est pas beaucoup pour faire toutes ces ambiances-là parce que souvent, tu peux avoir plusieurs pages là, qui sont dans la même ambiance quand tu fais une bande dessinée. Mais moi, je pense que je me suis laissé aller. Puis en même temps, il faut rythmer différemment le récit quand on y va avec 6 planches. Si tu l'aurais développé sur 50 pages, 50 planches, ben, tu aurais eu plus de temps aussi pour les établir, pour les développer. Dans ce cas-là, ça crée un rythme aussi, j'imagine, de passer comme ça d'une ambiance à l'autre. Oui, puis aussi, mais comme mon thème, c'était l'arbre, j'avais envie de le montrer dans ses différentes phases de vie. Parce que, bon, il y a évidemment, l'automne, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup aux arbres, aux feuilles qui tombent. Donc, ça, c'est un élément important. La nuit, le feu, le bois qui brûle, tu sais, c'est pour ça qu'on coupe les arbres. Puis, ben, l'hiver, tu sais, l'hiver où ils sont complètement dénudés, puis abandonnés dans le froid. Mais c'est tout quelque chose qui était en lien avec l'arbre. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de montrer ces ambiances-là aussi. Exactement, des exploiter, puis de lui donner vie un peu justement au fil des représentations que tu te donnais la liberté scénaristiquement puis visuellement de nous offrir autour de ça. Mmh, ouais. Et j'imagine une participation comme ça, un collectif, pour un auteur qui commence, ça devient une belle vitrine aussi. Ah oui, c'est sûr. Puis je pense que c'est la façon de faire, là. Puis c'est bien qu'il y ait des occasions comme ça. C'est bien que Glenna Québec offre ça aux jeunes auteurs. Puis bon, il y en a, je pense que l'idée, quand tu veux faire ta place là-dedans, c'est quand même un milieu particulier. Donc c'est vraiment de prendre ces opportunités-là, là, où tu peux faire partie de collectifs ou de magazines littéraires. Oui, puis en même temps, là-dedans, il y a quand même un bel équilibre entre des auteurs qu'on connaît, des auteurs qu'on connaîtra. On l'espère, en fait, des Iris, des Philippe Girard qui sont plus établis, des Richard Valrand qu'on apprend à connaître, qu'on découvre. Effectivement, c'est vraiment le fun de pouvoir être avec ces gens-là aussi qui ont pas mal de métiers. C'est le fun que ce soit ouvert comme ça à différents niveaux d'expérience. Là. Donc, puis de différentes façons de raconter des histoires aussi. Là. Et de ton côté, est-ce qu'il y a déjà d'autres projets qui sont en cours? Oui, mais écoute, c'est drôle parce qu'avec ce projet-là, je me suis beaucoup renseigné auprès de faire de la recherche sur le monde des bûcherons, tout ça. Puis j'ai découvert le côté documentaire qui m'intéresse dans la BD. Et puis j'ai un autre projet en ce moment que j'entends développer avec le Centre Mère-Enfant de Québec où... va plutôt parler de la prématurité, qui n'a rien à voir avec les arbres, finalement, mais c'est le côté plus documentaire, là, donc ou engagé socialement. C'est quelque chose qui m'intéresse, là, que j'explore en même temps que je veux continuer à faire du fantastique. Là. Ah ben, on aura sûrement d'autres occasions donc de se reparler de ces Absolument. Projets-là. Je rappelle, en fait, c'est le recueil Forêt et Bûcheron qui était au cœur de notre discussion, donc avec la nouvelle L'arbre à Murphy, donc réalisée par Richard Valrand. Merci beaucoup. Merci Raymond. Et je rappelle, le recueil est disponible du côté de chez Glénat. Voilà, dernier petit extrait, donc formation Fountainhead avec leur album Xenon Odyssey. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle, si jamais vous voulez écouter au fil des semaines estivales les émissions de l'année dernière en podcast, eh bien, ce sera possible de le faire via lavieenbd.wordpress.com. Et tel qu'annoncé d'entrée de jeu, on porte maintenant un regard sur ce qui s'en vient, une exposition du côté de l'établi du 7 juin jusqu'au 6 juillet. Ça s'appelle Ultra Strong Fort et c'est une exposition de Pierre Girard, alias Pierre ou Pichier. Pierre Girard, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, si on présente de manière générale l'exposition, c'est un peu d'une manière un alliage entre photographie et illustration. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer, c'est Ultra Strong Fort. Alors, moi, j'ai commencé avec quelques temps en prenant des photos, puis à m'amuser à insérer de mes illustrations sur les photos. Et j'avais mis ça sur Facebook ou sur mon blog, puis j'avais eu une très bonne réaction. Alors, j'ai proposé à l'établi parce que je pouvais pas comme proposer mes photos parce que je suis pas photographe, je suis vraiment pas bon et je prends trop de café dans ma vie. Alors toutes mes photos sont floues, j'ai le style flou en photo, même si je mets le stabilisateur, c'est flou avec c'est un inéluctable. Pied. Inéluctable. Ah non, c'est donc j'ai dit au moins j'ai demandé à des professionnels, à des gens qui touchent à la photo et je voulais pas m'initier dans leur milieu. Parce que moi, je suis illustrateur et la photographie, c'est un peu comme deux milieux quand on est dans le domaine de l'édition éditoriale et tout. Alors, oui, c'est en fait une composition qui peut être similaire à certains degrés. En fait, les règles de composition, entre guillemets, ne changent pas, mais ça reste deux langages visuels qui sont quand même assez différents. Oui, ben parce que souvent, dans les revues ou journaux, tout ça, ben l'illustrateur est demandé quand on ne peut pas mettre une photo, quand le texte amène des idées, des complexités ou explicatif ou pas très bon texte. Mais c'est pas vrai, tous les textes sont bons et pas tant. Mais alors on va demander à l'illustrateur parce qu'il y a souvent plein de concepts qu'on peut pas. En économie, souvent ça arrive. J'ai fait beaucoup d'illustrations économiques. J'avais une chronique dans le journal Les Affaires à René Vézina, puis chaque semaine j'étais porté à faire des illustrations économiques, puis on n'est pas porté à mettre des photos. Alors pour résumer, donc j'ai demandé à l'établi, ils m'ont demandé de soumettre un dossier, j'ai soumis mon dossier et donc j'ai reçu une quinzaine de propositions et j'ai travaillé en Photoshop comme mes illustrations, je fais tout à l'ordinateur, même s'il y en a des gens qui pensent que je travaille au crayon ou tout ça là. Mais il y a des belles possibilités offertes justement par la technologie, par les outils pour singer entre guillemets ce qu'on ferait avec l'encre, mais avec plus de possibilités d'essais-erreurs puis de un peu plus de filet, j'ai l'impression. Oui, en même temps aussi, moi je faisais beaucoup d'illustrations comme au départ quand j'ai commencé sur bois. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup de peintures sur bois et tout. Et j'ai remarqué que quand un client te demande de changer une couleur, c'est plus compliqué sur bois que sur à l'ordinateur. Et tu as des délais souvent avec des clients assez très, très, très rapides. Donc, ça devenait nécessaire. Ah oui. Et en même temps, justement, tu dis que tu as reçu une quinzaine de propositions côté photo. Est-ce que, dans le fond, tu les as pris toutes, puis ton défi, c'était de voir justement de quelle manière tu pouvais intervenir à l'intérieur de cette photo-là, ou tu as quand même eu une première sélection aussi des propositions? J'ai reçu, je pense, environ 15 photographes, peut-être plus, je ne sais plus, mais qui m'ont envoyé des trucs. Donc, ils m'ont envoyé plus. Il y en a certains qui m'ont envoyé de 10, 2, 3, 15. Moi, j'ai sélectionné. Certains, j'en ai juste fait une dans ce qu'ils m'ont envoyé. Certains, j'en ai fait deux ou trois. Mais normalement, je m'en tenais à deux. Et donc, il y en a 23 proposés. J'en ai fait plus, mais j'en ai sélectionné 23. Et pour se donner une idée, justement, c'est que tu arrives donc avec la photographie et là, tu intègres justement tes personnages en illustration à la photo. Tu détournes un peu, dans le fond, la narration qui était proposée dans la photographie par ta propre narration à toi. Oui. C'est ça, j'amène une autre vision. C'est comme, je suis habitué de faire mes personnages, j'en fais souvent, on peut... j'en fais tout le temps des personnages. C'est ça que je fais de ma vie, je fais des petits bonhommes. Donc, je fais mes petits bonhommes dans les photos et ça m'amène une nouvelle voie narrative, on va dire. Et aussi, un autre œil. Puis un humour aussi, on dit souvent, j'ai un humour noir, un peu subtil et... c'est pas si noir, là, c'est correct. Là. Je suis pas trash. Là. Non, je suis soft trash. Oui, mais ça en fait... soft core. Dans les photos que j'ai pu voir, ça va du monstre qui est dans le fleuve puis qui dit j'ai fait pipi dans le fleuve finalement. Ouais, il dit j'ai pissé dans l'eau. Ouais. J'ai pissé dans l'eau puis ça va jusqu'au roi démon qui est sur les remparts de Québec. C'est les cette photo là c'est pas les remparts, c'est les la porte. Non plus, non? C'est le manège militaire qui a brûlé. Ok. Alors ça c'est une photo de Guillaume Dessire. Donc, quand j'ai vu cette photo-là, je savais pas trop quoi faire. Donc, un personnage, ce qui sert aussi à la publicité, à l'affiche et au flyer. Alors, si vous promenez dans le centre-ville ou en haute-ville, vous pouvez tomber sur le carton d'invitation, peu distribué. Alors, de très beau carton. C'est pas que c'est parce que je l'ai fait, là, mais c'est un beau carton. Et donc, ce personnage-là, il a vraiment parlé de lui-même. je l'aime bien, c'est une de mes images préférées. Là. Oui, fait que Pierre Girard, dans le fond, on se lance de manière un peu instinctive en avant de la photo, on la choisit parce qu'elle nous parle, puis après ça, on lance, on fait quelques essais, puis on y va un peu comme ça pour voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, ou c'est quand même plus construit en amont du dessin? Moi, je fonctionne par rapport à comme quand je fais des contrats où ce que là, bon, je soumets des illustrations, des esquisses. Il y a toute l'étape graphique, en fin de compte, qu'il faut respecter, la correction et tout. Là, je dirais que je fonctionne un peu plus comme surréaliste rêve où c'est dans ma tête, je vois les bonhommes. Celui qui fonctionne, c'est comme souvent d'un premier coup, d'un premier jet. Et je vois la photo. Moi, je suis constamment en train de voir des petits bonhommes. Donc, faut que je me concentre. Faut vraiment, là, en ce moment, j'en vois, puis ils sont fatigants, là. Puis là, je vois faut tout le temps vraiment que je me concentre parce que je crée constamment des personnages dans ma tête. Donc, d'essayer de focusser sur un, le temps de pouvoir le dessiner, de pouvoir lui donner vie, puis après ça, là, tu peux partir sur les autres. Souvent, quand je travaille, des fois, j'ai des idées, donc j'ai un petit cahier d'esquisses, que je prends des notes, des petits dessins rapides, bien simples, ou j'aime bien aller aussi dans les cafés le soir, là, puis je fais une série de personnages. Puis, j'ai vraiment un calepin aussi rempli de personnages que je traîne tout le temps avec moi. Mm-hmm. Donc, souvent, il m'est utile parce que, comme durant le cadre du Festival de la BD, j'ai, avec d'autres illustrateurs puis BDistes, Francis Dernay, Philippe, je sais plus comment il s'appelle, lui. Avec des gens. Avec des gens, on va synthétisons. Donc j'ai dans le cadre du festival BT, j'ai fait des personnages dans les vitrines qui ont duré le temps du festival. Et ce qui m'aidait souvent, c'est ça, j'avais mon calepin puis qui m'inspire comme ici aussi, qui est dans la vitrine de CKRL, il y a des personnages. Donc de te faire ton bestiaire dans le fond, puis de pouvoir soit y référer quand tu veux aborder un dessin, une illustration, une photo, quelque chose. Mais dans le fond, t'as le truc. Si t'as pas une idée qui s'impose, mais tu peux feuilleter pour faire des ponts. Ou en créer d'autres. Mmh. Ouais. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est l'idée aussi, justement, tu parlais du bois, il y a d'autres médiums que tu as exploités aussi, et donc là, on se retrouve avec la photo, mais dans lequel on va chercher justement un personnage en dessin. Donc, dans le fond, c'est deux langages qui se rencontrent, c'est un métissage de deux médiums. Oui. Deux médiums, en compétition par rapport à mon métier. Oui, puis tu peux pas camoufler l'intervention et là pour ressortir, pour être perçu, pour voir qu'est-ce que tu as ajouté, modifié, transformé. Oui, mais j'ai voulu vraiment y aller pas comme briser la photo. J'ai vraiment voulu comme faire un mix bien intégré pour que on sente la photo de base, mais aussi qu'on sente que maintenant c'est une deuxième image, mais qui respire comme d'elle-même, et tout en respectant l'autre, ce que la personne. Souvent, c'est des petites interventions, des petits personnages, mais souvent, c'est. Il faut dire, il y a certaines photos qui ont vraiment sorti gros. Alors, quand on travaille à l'ordinateur, on travaille avec des formats, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va sortir. Alors, quand ta photo fait 40 pouces par 40 pouces, tu te rends compte que les personnages sont vraiment gros. Et je pense qu'il va y avoir. Il y a d'autres aussi. Formats qui sont beaucoup plus petits, mais donc dans l'ensemble, je pense que ça va faire vraiment une belle un beau clash là. Non, effectivement, puis c'est ce qui fait aussi un peu l'intérêt de l'exercice, qui se fait le côté ludique peut-être un peu de ça, c'est la relecture que t'en fais, puis la division entre les deux médiums, ça devient, en fait, je pense le terme ludique s'applique bien à ce que j'en ai vu à date justement de ton travail sur Ultra Strong Fort. Ouais, je voulais pour le nom, en fin de compte, on m'avait demandé un nom. Alors, Ultra Strong Fort vient du papier de toilette Charmin. Alors, c'était. Je ne voulais pas dire où ce que j'étais, mais j'ai eu l'idée quand j'ai regardé mon papier de toilette. Alors, ça vient de là, mais je trouve que ça décrit bien un peu comme l'exposition. Là, il y a cette idée-là que j'ai voulu jouer aussi avec. Comme il y a une certaine scène de plage, j'ai intégré des personnages que le titre de la. Personne, mais je suis pas bon dans les noms, donc j'ai oublié la personne, je m'excuse. C'était Cultive ton muscle, donc c'était comme deux personnages un peu style pin-up, rétro, à la plage, mais avec mes personnages, je trouvais que ça allait dans l'idée ultra strong fort. Et en même temps, à ça, il y a quelque chose de très participatif aussi pour la personne qui l'observe. Outre le fait de voir justement bon, tes interventions, le renouveau, mais ça reste aussi, en fait, moi je le recevais, tu me diras si j'ai tort ou raison, comme une amorce d'histoire, en fait, comme vraiment un début, on propose une situation, puis après ça, c'est à moi, observateur, de m'imaginer un peu la suite ou d'imaginer le contexte plus large, peut-être, dans lequel la case que tu proposes en dessin et photo s'inscrit. Oui, ben je fonctionne souvent comme ben, j'ai fait beaucoup de peintures dans le passé, beaucoup d'illustrations, puis je fais beaucoup de cartes postales que j'utilise comme pour ma promotion en illustration et pour me trouver des nouveaux clients et que je vends. Alors donc souvent je laisse comme une image et c'est comme au regardeur de continuer l'histoire. Puis souvent les gens vont bien plus loin que moi parce que moi je continue pas l'image est faite puis. Mais souvent, j'ai tellement entendu des choses, puis des intentions qu'on me portait puis dans le passé, parce que ça fait quoi, près de 15 ans que je fais ça. Donc, j'ai passé à beaucoup d'événements, puis j'ai vu dans le passé comme... bon, j'avais déjà fait en 2002-2003 une série de personnages en peinture qui étaient comme habillés en mascotte, mais qui faisaient du sport par l'activité, puis je voulais faire une réflexion sur bon, quand on a un accident de voiture ou on est démantelé ou tout ça, on a beau faire une activité, on a beau tout ça, il reste que c'est pas, même si tu bâtis une entité par rapport comme en tant que moi illustrateur et tout ça, mais c'est pas ça. Si tu meurs ou si tu es décapité, là c'est trash, hein, mais c'est pas ça qui va te faire reconnaître, c'est comme ton ADN, c'est comme on va te reconnaître par donc tout ce que tu bâtis hein, peut être démoli en un instant. Puis là, j'avais joué sur cette idée-là, mais on me portait des intentions comme pour les animaux, les abattoirs et tout ça. Puis on m'apportait des photos, des documentaires, je me rappelle, de poules modifiées génétiquement. Puis on m'apportait des photos, puis j'étais comme, ah ben ok, d'abord, je sais. Ah, donc, c'est toujours drôle ce que le monde voit par rapport à moi, ce que je veux dire. Donc, on se lâche tous quand même. On en profite justement de ce que tu nous proposes, que tu vas nous proposer à l'établi pour se laisser aller à l'interprétation puis profiter du jeu ou de l'invitation à cette association-là donc que tu vas nous offrir. Je le rappelle, Pierre Girard, c'est du 7 juin au 6 juillet. C'est à l'établi. Et évidemment, on peut aussi avoir un peu plus d'infos sur ton travail via pichier.com, oui. Ton site web. Aussi, je voulais inviter les gens au vernissage la semaine prochaine, le 7. Alors, c'est à 17h jusqu'en soirée. Alors, mais je veux aussi parler de l'exposition qui va avoir lieu au Cercle, dans le sous-sol du Cercle, à 21h. C'est Thomas B. Marté. Il fait plein d'affiches et c'est super intéressant. Donc, c'est comme jumelé ensemble. Alors, on a juste fait le tour. Alors, c'est Rock à deux éléments d'illustration. Alors, allez-y. Bye-bye. Voilà. Mais Pierre Girard, merci beaucoup. Merci à toi. Et à la prochaine. Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'année, en fait la saison 2012-2013 de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous depuis septembre et on se retrouve donc en septembre l'année prochaine. Et d'ici là, ben vous pouvez rester en contact avec l'émission via notre Facebook, facebook.com La Vie en BD, ou via mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, au plaisir et passez un bon été sur les ondes du 89.1. Téléchargez la vidéo.